bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Allô, allô, bienvenue dans le podcast... J'ai oublié le nom du podcast, ça va bien. Bienvenue dans le Lobster 170.0. C'est le premier épisode depuis que j'ai commencé à diffuser à la radio mon autre émission, le Grenier Pop, puis ça s'est bien passé. J'ai fourni mon émission le jeudi. Ben, l'émission était enregistrée là, d'avance. Puis le jeudi, je dois l'envoyer à la technique de CIBL. Et c'est ça, le vendredi, j'avais synthonisé CIBL pour entendre mon émission passer, pour voir si tout se passait bien. Puis effectivement, 4h30, je me suis entendu là, à la radio, là, j'étais tout excité. Puis juste avant, ben durant la journée, j'avais synthonisé le poste aussi, puis j'avais entendu là, les pubs que j'avais préparés. Donc, j'ai l'impression qu'ils passent de temps en temps, là, les pubs qui annoncent l'émission. Donc, je pense que tout est en marche. Et tout va bien. Mon émission 2 est déjà enregistrée. J'essaie d'avoir toujours une émission d'avance d'enregistrer. Dans l'épisode 2, je vais parler d'arcade parce que là, en ce moment, je travaille pas le jeudi et vendredi. Là, il me reste beaucoup de vacances à prendre cet été. Puis j'ai décidé de plus travailler les jeudis et vendredis. Puis jeudi passé, je suis allé à l'arcade. Puis c'est ça qui est devenu mon sujet pour le prochain Grenier Pop. J'ai été à l'arcade à Laval, qui s'appelle Amusement 2020. Puis là, ça m'a permis d'aller dans... Ils ont comme une salle vintage où il y a des vieux jeux. J'ai joué à un jeu que je jouais quand j'étais jeune. C'est une voiture qui est en forme de genre de triangle. Là. C'est une course comme Hot Run. C'est tout ça? En tout cas, il y avait un jeu qui est à l'arcade qui était beau, là, des belles voitures, puis fallait, on avait du temps pour se rendre à la fin. Là. Mais là, moi, j'ai joué à l'ancien. Là, c'est vraiment laid. Là, c'est quatre voitures, puis l'écran il est statique. Fait que tu vois tout le tracé où ce que tu dois courir. Puis bon, tant que tu arrives premier, tu continues, puis dès que tu meurs, ben c'est fini. Puis, c'est ça, ils font apparaître des fois des taches d'huile, ils font apparaître des clés pour réparer des voitures. Bref, j'ai essayé ce vieux jeu-là que je jouais, puis j'étais aussi mauvais que dans le temps. Je me suis crashé, puis j'ai perdu mon 1$. C'est ça là, qui a changé. Il n'y a plus de machine à 25 sous à l'arcade. C'est tout rendu 50 sous ou 1$. En fait, il n'y a pas de machine à 50 sous, c'est tout à 1$. Mais il y a des parties que j'imagine c'est des machines qui marchent moins un petit peu. Puis ils ont mis à t'as deux crédits au lieu d'en avoir un quand tu mets une pièce. Donc quand tu meurs, ben tu peux recommencer une autre fois. T'as encore un crédit. Toutes les flippers sont comme ça. Donc, tu sais, les machines à boules. Puis c'est ça, ça m'a permis de jouer un flipper gratuitement. Quelqu'un avait pas pris sa deuxième partie gratuite. Donc, j'ai joué au flipper de Metallica. Puis c'était quand même le fun. Là. Les flippers, c'est beau. Puis ça jouait de la belle musique. Fait que c'était assez excitant. Sinon, ben je vais vous passer le premier épisode de la radio, comme je vous ai dit. J'enregistrerai pas de long Lobster, comme je fais déjà 30 minutes par semaine pour l'émission de la radio. Donc, je vais vous le passer à la fin de ce Lobster. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai vu à la télé que... Ben, j'ai pas la télé, là, mais j'ai téléchargé les nouveaux épisodes de la saison 2 de mercredi, Wednesday. Puis c'est vraiment bon. Donc, pour ceux qui ont écouté la saison 1, là, sachez qu'en août, la saison 2 est sortie. Il y a 8 épisodes d'environ 1 heure. Il y a des épisodes un peu plus longs qu'une heure, puis il y a des épisodes, j'ai vu du 43 minutes, puis j'ai vu du 1h10. Donc, hier, j'ai écouté le premier épisode, puis c'est aussi bon. Mercredi est aussi sarcastique, puis... lugubre, ça fait que je vous conseille de l'écouter. Quoi d'autre? De quoi je voulais parler? Ah oui, mon frère m'a parlé du film Red Sonja. C'est un peu un film comme Conan le Barbare, mais là, ils viennent de sortir pour celui-là. Je pense qu'on va écouter la bande-annonce pour vous donner le goût de l'écouter. Moi, je vais l'écouter bientôt. Je l'ai téléchargé hier soir. Mais là, bon, là, je suis parti dans mercredi. Mais gars, on écoute la bande-annonce de Red Sonja pour regarder ensemble à quoi ça ressemble. On l'écoute. Sonia. La terre saigne. Accorde-moi le pouvoir de retrouver ceux qui ont fait ça. Que fais-tu ici? Va voir les miens. Voilà mon seul souhait. Je dois dire que je l'aime bien. Elle a l'âme d'une combattante, on dirait. Non! Il veut qu'on se batte. On mourra toutes les deux. Quelqu'un doit tenir tête à ce fou. Seule la mort vous y attendrait. Je m'en prendrai à ses troupes et à lui. Tu sais quoi, Larousse? Tu es une sacrée femme. Vous croyez que vos dieux réussiront à m'empêcher de conquérir les terres se trouvant au-delà? Les Hyrcaniens ne seront pas les seuls à souffrir si on ne fait rien. Ils décimeront chaque tribu, tous les peuples qui s'opposeront à ses desseins. Je suis là pour combattre! Vous et ceux de votre espèce n'êtes que des reliques du passé! Je suis le futur! C'est maintenant ou jamais. Choisis-tu la mort? Jamais. Tu n'as droit qu'à ça et à ça. Ça va me protéger? Oh non, mais le public va adorer. Donc, c'est ça pour Red Sonja. J'ai été voir les critiques. Les critiques sont assez mitigées. 50% aiment ça, 50% disent ah, c'est divertissant. Donc, ça ne sera pas un gros film. Mais je pense que c'est un film à écouter quand même, pour le côté divertissant. J'ai la bande-annonce, là, c'est sûr, vous avez juste entendu le son, là, mais c'est ça a l'air rempli d'action, ça a l'air quand même bien. Le seul défaut que je peux voir là, en regardant la bande-annonce, c'est que la femme là, est un peu maigrichonne pour jouer le rôle d'un barbare. Là. Un barbare, on s'attend à quelqu'un qui a quand même un peu de muscle, puis elle a les bras tout petits, et pas, puis elle manie une grosse épée. Là. Bon, ça fait pas... Ça fait pas sérieux. Donc, c'est ça. Red Sonja, je vous le dirai, moi, quand je l'aurai écouté. Je vous donnerai ma critique personnelle, là. Mais bon, ce genre de film-là, habituellement, j'écoute ça juste pour le divertissement. Divertissement, là, c'est juste amusant. Sinon, un bon film qui s'en vient, qui doit arriver en octobre, c'est la suite de Tron. Tron Arès. Si je lis le synopsis, ça dit Arès, un programme informatique très sophistiqué est envoyé dans le monde réel pour une mission dangereuse. Cela va marquer la première rencontre de l'humanité avec des êtres doués d'intelligence artificielle. Fait que, bon... Et on rentre plus dans l'arcade, on sort de l'arcade là, avec ce film-là. Donc, peut-être qu'on pourrait écouter la bande-annonce, celle-là avait l'air vraiment bonne. Donc, on l'écoute ensemble, puis on en parle après. Depuis la nuit des temps, les êtres humains contemplent les étoiles et se demandent « Sommes-nous seuls ?» Tous ne parlent que d'IA et de tech de nos jours. Les mondes virtuels, comment seront-ils? Quand va-t-on y aller? Eh bien, les amis, nous n'allons pas y aller. Ce sont eux qui vont venir ici. Je vous présente Arès, le soldat absolu. D'une force surhumaine, ultra rapide. Supérieurement intelligent. Et s'il tombe sur le champ de bataille, je vous en fais un autre aussitôt. Tu crois que tu contrôles tout ça? Tu as tort. Je suis à la recherche de quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas. Non.